émission brassée avec notre savoir-faire se déguste avec sagesse. À consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF. Bah alors Monique, on n'était pas prête, hein. Allez, 3, 4. Ah, quel plaisir de vous voir, Monique. Bon, je vais vous annoncer que Jean-Michel n'est pas en liaison avec nous, mais il est physiquement dans le studio avec nous. On l'accueille. Maëva, tu peux le faire rentrer. Hein. Ouais, non, venez, c'est... Jean-Michel. Attends, voilà. Voilà, le micro 3, là, s'il vous plaît. On vous entend. Refaites un petit test, un petit check son. Voilà. Évitez juste d'avaler le micro parce que ça rend pas bien. Bonsoir Jean-Michel, vous avez passé un bon début de semaine? C'était super. Non, c'est pas vrai. Je vous marre mon Jadoul. J'ai perdu un membre de ma famille. Quoi, un être cher? Oui, un être très cher même. Oh non, Jean-Michel, je suis vraiment désolé. Je vous présente mes plus sincères condoléances, mais Eva aussi. On est vraiment navrés pour ce qui vous arrive. Désolé. C'est bien gentil, mon Jadoul, mais il n'y a pas eu de décès, tu sais. C'est juste qu'elle a disparu du jour au lendemain. Ah d'accord, je comprends. Est-ce que vous voulez passer un message en direct à la radio? Peut-être, ça pourrait peut-être la faire revenir, même si je sais pas de qui on parle. Oh oui, ce serait bien gentil de ta part. Allez, Jean-Michel, c'est à vous, allez-y. Je veux ma bière remplie de mousse. J'attends de la vider. J'ai le gosier desséché. Quand vient le soir, que Monique dort. Par habitude, je me la sers sur le canapé. Toi ma boisson, mon lingot d'or. Quand je te tiens en main, je suis au paradis. Tu veux trinquer avant début. Tu murmures à l'oreille. À la vie, à l'alcool. Mais j'aimerais bien, mais elle est où? Moi j'aimerais bien, mais elle est où? Mais j'aimerais bien, mais elle est où? Mais elle est où? Mais j'aimerais bien, mais elle est où? Bon, j'aimerais bien, mais elle est où? Mais elle est où? Reviens, ma boisson, tu me manques. Reviens, ma petite bière. Oh, je t'aime bien. Voilà, ça m'apprendra encore à laisser Jean-Michel passer un message à la radio. Bravo, hein, bravo vous et votre chorale. Est-ce qu'on vient vraiment de vous laisser le direct pour nous dire que vous avez perdu votre bière? Mais oui, mais elle me manque terriblement, tu sais, Jean-Doul. Mais je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire de vous, Jean-Michel. Il est fou. J'ai encore d'avoir des problèmes avec le CSA, avec ces conneries. On rappelle que c'est à consommer avec modération et qu'il faut... On s'en est pas pour qui, hein? Oui, ça va peut-être pas pour vous, mais pour les autres, oui. Une émission brassée avec notre savoir-faire se déguste avec sagesse. À consommer sans modération. Wow. Dès 20h, c'est Jadoul et toute son équipe sur KIF.